Section 20 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 20. L'Obus, par Victorien Sardou, de l'Académie française. Ce jour de l'an, et les étrennes m'ont rappelé un épisode du siège qui me fait quelque honneur. Je m'en vante. Que le lecteur se rassure, je ne le conduirai pas aux remparts ni aux avant-postes, mais tout simplement rue de Trévise, chez mon vieil ami du Tailly, riche fabricant de produits chimiques, mari d'une excellente femme, père d'une fille charmante, industriel habile, bon patriote, un peu fou en politique, au demeurant le meilleur homme du monde. Surpris par l'investissement de Paris, à l'heure où il bouclait ses malles pour le départ, il s'était consolé par la conviction que la ville ne tiendrait pas 8 jours. Mieux avisée, Madame du Tailly se préoccupait tout d'abord de l'approvisionnement du logis, où elle amassait une telle abondance de vivres que les sièges eût-il duré 3 mois de plus, les du Tailly n'auraient jamais connu la famine. Puis elle complétait son œuvre en installant dans son jardinet une vacherie, tout un poulailler et même une étable à porcs qui 3 mois plus tard valait leur pesant d'or. Dès le mois d'octobre, on la bénissait, moi le premier, dont le couvert était mis chez les du Tailly le jeudi et le dimanche soir, et qui trouvait là de quoi me dédommager des privations de toute la semaine. Comment ne pas s'extasier, dans ces jours de disette, à la vue d'une omelette au lard ou d'un morceau de gruyère arrosé d'excellent vin qui n'avait aucune parenté, chose rare, avec les produits chimiques de la maison. Je n'étais pas le seul convive accrédité de cette table hospitalière. Un autre y avait son couvert mis à côté du mien. Le jeune Anatole Brichot, principal commis de la fabrique, futur associé et gendre de du Tailly. Ce brave garçon, mélancolique, chétif, un peu timide, était fortement épris de la fille du patron, Mademoiselle Gertrude, qui ne paraissait pas insensible à cet amour-là. Sans qu'il y eût parole échangée, la candidature de Brichot était vue par les du Tailly d'assez bon œil pour que l'union des deux jeunes gens fût chose convenue tacitement. Par malheur, la guerre ajournait le dénouement. Brichot, caporal dans la mobile de la Seine et caserné à Saint-Denis, faisait son devoir de soldat, consciencieusement, comme il faisait toutes choses, mais sans enthousiasme, il faut bien le dire, et donnait au diable ce siège éternel qui retardait son bonheur et dont il critiquait les opérations doucement, à sa manière, mais non sans amertume. Ses critiques ne laissaient pas d'agacer du Tailly, fanatique du général Trochu. Chose plus grave, le Temps publiait alors une série d'articles où l'auteur reconstituait les opérations militaires de la province, au gré de son imagination en délire. Du Tailly avait pris ses rêveries au sérieux. Il piquait ses petits drapeaux sur la carte au point déterminé par le stratégiste du temps, suivait avec anxiété ses marches et contre-marches chimériques et nous prédisait à bref délai des victoires décisives. Brichot, incrédule, risquait une timide objection. Du Tailly s'exaltait, s'emportait. J'intervenais à temps pour apaiser le débat, mais le patron, au fond de l'âme, ne se consolait pas de toutes ces batailles que son commis l'empêchait de gagner. La présence d'un nouveau convive vint encore compliquer la situation. Je fus surpris, un soir, arrivant en retard, de voir ma place à la droite de Madame du Tailly, occupée par un personnage inconnu, haut en couleur, large d'épaules, bruyant et vantard. Il portait des galons de capitaine sur un uniforme de fantaisie, sorti de la défroque de quelque théâtre, et chaussait des bottes énormes, auxquelles il était impossible de méconnaître un héros. « Monsieur Robillard, » me dit du Tailly, en nous présentant l'un à l'autre, « capitaine des enfants perdus de Courbevoie. » Je n'avais pas expédié le potage que j'étais fixé sur le robillard. Les exploits de ce gaillard-là devaient consister à dégarnir les maisons désertes de la banlieue des meubles qui pouvaient tenter la cupidité de l'ennemi et à les déposer en lieu sûr, ignorés de leurs propriétaires. Je me demandais avec ennui comment ce mandrin à forte mâchoire était appelé ce soir-là à rogner notre part de gruyère. Madame Dutailly m'expliqua le fait, non sans émotion. À la tombée du jour, elle avait fait une chute assez dangereuse sur le boulevard Poissonnière, tout luisant de verglas. Robillard, qui passait par là, l'avait portée à la pharmacie la plus proche et enfin ramenée chez elle, légèrement contusionnée et passablement étourdie. Par reconnaissance, elle n'avait pu faire moins que d'inviter son sauveur à dîner. Cette explication me rassurait. J'espérais en être quitte du héros pour cette fois. Le drôle n'était pas sot. Il se donnait comme intéressé dans une grosse affaire de charbonnage qui l'obligeait à courir toute l'Europe et nous contait fort plaisamment ses souvenirs de voyage. La guerre l'avait, disait-il, ramené à Paris, dont le salut réclamait sa présence. Quant à ses prouesses dans la banlieue, à la tête des enfants perdus, on pense bien qu'elle passait toute croyance. L'ennemi était harcelé sur les dents et n'en pouvait plus. Avec 5 000 lurons comme les siens, la trouée était faite, etc., etc. Madame Dutailly écoutait ces énormités avec complaisance. Dutailly résistait mal à l'envie d'y ajouter foi. Gertrude seule était fort indifférente. Quant au pauvre petit Moblot, plus pâle ce soir-là et plus perdu que jamais dans sa vareuse trop large, affligé en outre d'un rhume de cerveau, on ne peut plus ridicule, il semblait écrasé par le voisinage de ce grand diable qui ne lui marchandait ni les allusions pénibles, ni les coups d'œil narquois, ni les comparaisons déplaisantes. J'inventais un prétexte pour quitter la place après le café, assommé par les fanfaronnades de ce gascon, à qui je croyais dire adieu pour toujours. En quoi je me trompais bien! Car le dimanche suivant, je le trouvais à la même place, puis le jeudi. Et finalement, il eut son couvert mis à tous nos repas. Le ménage Dutailly était fasciné. Le Robillard avait séduit Madame Dutailly par sa belle humeur et cette galanterie presque tendre à laquelle aucune femme de cet âge n'est insensible. Et papa Dutailly, par l'intérêt qu'il semblait prendre aux opérations militaires du temps, et au déplacement des petits drapeaux sur la carte. Anatole, plus enrhumé que jamais, perdait visiblement à chaque repas tout le terrain conquis sur lui par ce bravache. Son discrédit fut surtout sensible après l'affaire du Bourget, où le pauvre garçon avait fait bravement son devoir et d'où il nous était revenu blessé à l'avant-bras. Il nous conta l'affaire et la mort de Baroche tué à ses côtés, et l'abandon, et la retraite, et toute cette triste fin au combat héroïque avec un découragement si lamentable que, pour un peu, le capitaine l'eût traité de déserteur et de lâche. S'il ne le fit pas, ce fut bien par égard pour les maîtres du logis, mais il se donna assez à entendre. Avec quelle noble indignation il démontra que, si les enfants perdus eussent été là, la chose aurait pris une toute autre tournure. Là-dessus, s'échauffant, il nous esquissa un plan de sortie par les hauteurs de Montmorency, Cormeil, avec passage de l'Oise, marche sur Rouen, puis arrivée triomphale au Havre, qui émut Dutailly jusqu'à l'enthousiasme. Cependant, que le pauvre Anatole humilié souffrait tristement de sa blessure encore saignante, personne que Gertrude et moi n'y prenons garde. Le lendemain, il avait la fièvre, gardait le lit, et pendant quelques semaines, il fut absent de nos repas. Le capitaine établit vivement ses prétentions à la main de Mademoiselle Gertrude, et l'attitude des parents n'était pas pour les décourager. Le jour où Anatole nous revint convalescent et plus maigre que jamais, il me parut bien que Mademoiselle Gertrude avait les yeux rouges et qu'il y avait eu dans la journée quelque escarmouche entre elle et sa mère, plus engouée que jamais de son robillard. je compris qu'il était temps d'intervenir dans l'intérêt de ces pauvres enfants. Ce jour-là était précisément le dernier dimanche de l'année, et comme on parlait nécessairement du Nouvel An, que nous devions fêter en famille. « Parbleu, chère Madame Dutheilly, s'écria le capitaine, il faut que je vous fasse une surprise pour vos étrennes. » Ceci me donna l'idée de préparer la mienne. Le jour de l'an, Dutheilly nous reçut les bras ouverts et radieux. Le stratégiste du temps venait de battre à plat couture le prince Charles aux environs d'Évreux, après l'y avoir attiré par une retraite simulée, qui était un des plus beaux faits d'armes des temps modernes. Dutheilly nous offrait cette bonne nouvelle pour nos étrennes. Anatole, lui, apportait un lapin qu'il avait pris au lacet dans l'île dévastée de Saint-Denis. Lapin de chou, bien entendu, retourné à l'état sauvage. Quant au capitaine, il présentait à Madame Dutheilly un gros sac de marron glacé dans un casque allemand. « Chère madame, dit-il en souriant, il n'aurait tenu qu'à moi de vous offrir dans ce casque la tête du propriétaire. « Quoi ? S'écria Madame Dutheilly, suffoquée par l'admiration. « Vous l'avez tué ? Pour vous offrir cette boîte à bonbons, belle dame, qui n'est pas, j'ose le dire, à la portée de tout le monde. Je vous passe le récit de l'aventure, dont vous pensez bien que le farceur ne nous épargna pas le détail. Blotti dans un tonneau, il avait guetté, surpris, terrassé le porteur du casque, sentinelle perdue, et dans une lutte corps à corps, l'avait étranglé pour ne pas attirer l'ennemi par l'emploi de son revolver. Oh, que le lapin de chou, étranglé lui aussi, faisait piètre mine à côté de ce glorieux trophée. Quant à moi, dis-je, je n'ai pas l'orgueil de rivaliser avec un brave tel que le capitaine, mais j'ai aussi ma petite surprise. Seulement, elle n'est pas encore arrivée, et si vous m'en croyez, nous dînerons sans l'attendre. On se mit à table et le repas fut très gai. On avait saigné un cochon pour la circonstance, et son boudin eut le plus grand succès. Nous étions au café et nous allumions les cigares quand un domestique nous dit qu'un artilleur venait de déposer mon cadeau dans le salon. Nous passâmes au salon, où l'objet était en effet posé sur une table enveloppée de papier glacé et cerclée d'une faveur bleue. « Qu'est-ce que cela peut bien être ? » dit Madame Dutheilly. « Ne cherchez pas, chère madame, c'est un obus. »« Un obus ?» Dutheilly m'a exprimé plusieurs fois le désir d'avoir un obus, mais un vrai qui eût servi, et à ma requête, mon ami Roland, commandant de batterie, m'envoie celui-ci qui vient du plateau d'Avron, où il a oublié d'éclater en tombant. Tout en parlant, j'ai dénoué la faveur bleue. Je déchirais le papier, et l'obus apparaissait noir, sinistre, menaçant. « Parbleu ! » dit Dutheilly. « Tu m'enchantes. J'en ferai une pendule pour mon cabinet. » « Mais, objecta Madame Dutheilly inquiète, s'il n'a pas éclaté ?»« Oh, rassurez-vous, il a été bien convenu que Roland ne me l'enverrait que désarmé et vide. Du reste, voici sa lettre d'envoi. » J'ouvris une lettre collée au flanc de l'obus et je m'apprêtais à la lire tout haut. Mais à la première ligne, ma figure dut exprimer la surprise, puis l'inquiétude, car tout le monde s'écria « Qu'avez-vous ? » « Mon Dieu, j'ai... Écoutez !» Et je lus. « Cher ami, voici l'obus demandé. Seulement, il m'a été impossible de trouver ici un artilleur qui sût le désarmer. Faites-le porter chez l'armurier du passage de l'Opéra, qui s'acquitte très adroitement de cette besogne, et surtout la plus grande précaution. Pas le moindre choc, pas un frottement, car il s'en faut de l'épaisseur d'une feuille de papier, que l'obus n'éclate. » Je fus interrompu par des cris d'effroi. « Mais enlevez ça !» criait Madame Dutheilly. « C'est épouvantable, cet obus dans mon salon !»« Mon Dieu » disais-je, étendant la main. « N'y touchez pas !» « Du calme, rassurez-vous, l'artilleur qui l'apporte va le remporter. »« Mais, monsieur, dit le domestique tremblant sur le seuil de la porte, l'artilleur est parti. » Nouvelles exclamations. « Alors, dis-je, c'est moi. Je te le défends, s'écria vivement Dutheilly. Tu n'es pas de force à porter cela jusqu'au passage de l'opéra, toute une traite. Tu n'auras qu'à le laisser tomber en route, dans l'escalier, dans l'antichambre. » Madame Dutailly se cramponnait à moi. « Non, pas vous, c'est trop dangereux, pas vous !»« Ceci, ajouta Dutailly, est le fait d'un soldat robuste. Heureusement, le capitaine est là. »« Moi ?» dit le capitaine. « Eh oui, mon cher, vous êtes fort comme un Turc et faites à ces choses-là. Vous jouez avec les balles et les obus comme un écolier avec ses billes et ses ballons. »« Pardon, pardon !» objecta le capitaine qui pâlissait légèrement. « C'est qu'un obus, diable, ne pourrait-on pas attendre jusque demain et le faire prendre ?» Mais Madame Dutailly se récria. « Demain ? Pour que je ne ferme pas l'œil de toute la nuit ? J'irai plutôt coucher à l'hôtel. » Ici, Anatole prit tranquillement la parole. « Restez chez vous, madame. C'est moi qui porterai l'obus. » Dutailly l'arrêta. « Vous êtes fou, mon cher ? Convalescent et avec votre bras malade, voulez-vous faire sauter la maison ?»« Effectivement, dis-je, ceci n'est pas le fait d'un malade. »« Mais du capitaine, reprit Dutailly, je n'ai confiance qu'en lui. Allons, capitaine, vivement. Enlevez ce monstre et délivrez-nous de ce cauchemar. » Le capitaine, à ce moment-là, digérait mal. C'était évident. Mais il n'était pas homme à se déconcerter pour si peu. « Effectivement, dit-il, en souriant, ceci me revient de droit. Je voulais dire seulement, quand vous m'avez interrompu tout à l'heure, que l'enlèvement de cet objet par un piéton est trop dangereux. Le sol est glissant. Il suffit d'un faux pas pour tuer 10 personnes dans la rue. Le transport en voiture est seul raisonnable. « Mais, répliqua Dutailly, une voiture en ce moment ? On les compte. Elles sont presque toutes réquisitionnées pour les ambulances. » « Bon, dit le capitaine, le général Schmitz, qui m'a déposé chez vous, dîne chez Brébant. Sa voiture l'attend à la porte du restaurant. Je le prie de me la prêter. Il est de mes amis. C'est chose faite. Le temps de boucler mon ceinturon et d'aller jusque-là. C'est 10 minutes, un quart d'heure au plus. « Allez vite, dit Madame Dutailly. Je ne vivrai pas pendant ce temps-là. » « J'y cours, chère madame. » Ce disant, le capitaine prenait son képi, son manteau, et gagnait le large. Et à la façon dont il dégringolait l'escalier, il était évident qu'il se hâtait. Je rentrais dans le salon où régnait la consternation. Madame Dutailly balançait entre l'envie de fuir et le désir de surveiller l'obus. Sans en avoir l'air, je regardais la rue éclairée par la lune. « Il était si simple de me le laisser prendre, » murmura Anatole. « Allons, taisez-vous, » reprit Dutailly, un peu surpris du courage tranquille de ce garçon. « C'est bien mieux le fait du capitaine. Pourvu, gémit Madame Dutailly, qu'il ne se fasse pas trop attendre. « Pour se faire attendre, chère dame, lui dis-je fort gaiement, vous pouvez y compter, car il ne reviendra pas. » « Il ne reviendra pas ? Certes, non. » Pour aller chez Brébant, son chemin était de traverser la rue à droite, et il vient de s'éloigner par la gauche. Et même assez vivement. Par exemple, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire, ami Dutailly, que votre capitaine est un intrigant et que je me réjouis d'avoir démonté les batteries de ce fanfaron à la faveur de cet engin. Et prenant un album de photographie, j'en assénai un coup violent sur la tête de l'obus qui éclata en 1000 morceaux de chocolat. Il était en chocolat. Et sema sur le tapis toute une mitraille de dragées, de pralines et de pistaches. Un éclat de rire salua cette explosion et je puis dire ce dénouement. Car 3 mois plus tard, Anatole épousait Gertrude et du capitaine, plus de nouvelles. Fin de la section 20, Luparagnès, Obi, 2024.